de Berry. Je n'ai pas vu plus belle. Elle a le style arabia. Un peu de ce chez moi. Comme on dit Ben Zebeledi. Elle est marocaine. Son père est de Saïdia. Sa mère est Rifia. T'entendras des yu-yu tout l'été.